Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas d'une religion, mais je parle de l'amour de Dieu. Je parle du temps dans lequel on est. Regardez le monde et vous allez voir que le monde va mal. On va pas parler de guerre, de tremblement de terre. On va pas parler de tsunami, de cataclysme, toutes ces choses-là. Sachez que Jésus revient bientôt et c'est la réalité. Il est temps de se repentir. La cigarette n'apporte pas le repos. Ça fait même quand on fume à cause du stress, mais ça ne t'a rien à prendre le repos. Moi, je veux te parler d'une seule solution, et c'est Dieu. Cette solution, c'est pour mon Dieu. Je veux te parler d'un seul qui sauve, et son nom, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le livre de Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Seul Jésus peut guérir, seul Jésus peut sauver. La Bible dit encore dans le livre de Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je suis en train de vous parler, c'est parce que moi-même, j'étais un voleur. Moi-même, j'étais un dealer. Je fumais de la beuh, du shit, je vendais. J'étais tout le temps dans les maisons de prostituées. Je traînais ici et là, j'étais attiré par la délinquance. Parce que mon cœur était blessé, mon cœur était détruit. Mais ce n'est pas les femmes qui m'ont guéri, ce n'est pas les hommes qui m'ont apporté la paix. Un seul m'a apporté la paix, c'est Jésus. C'est pourquoi je me permets de vous parler de ce Dieu d'amour, de vous parler de ce Jésus qui sauve, de ce Jésus qui guérit les cœurs. Tu as l'air fort, tu as l'air forte devant les hommes, mais Dieu sait que ton cœur est blessé. Dieu sait que tu as tellement été déçu par les hommes, que ton cœur est blessé et que tu ne veux plus. Tu as peur des hommes. Mais Jésus me dit de te dire qu'il t'aime. Parce que ta vie n'est qu'éphémère et poursuit du vent. Comme ma vie, elle est éphémère et poursuit du vent, mon ami. Mais quand la mort viendra, où iras-tu? Mes amis, deux endroits possibles. Le ciel ou l'enfer. Si tu ne savais pas, sache-le aujourd'hui que le ciel existe, l'enfer existe aussi. La chose qui te conduira en enfer, c'est le péché. La chose qui me conduira en enfer, c'est le péché. Mais Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut nous sauver, justement. C'est pourquoi il permet qu'on entende encore ce message, qu'on entende encore ces paroles. Mes amis, non, Dieu, ce ne sont pas nos cœurs. Dieu existe et c'est la réalité. Vous allez me dire, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi y a-t-il des crimes? Je vous répondrai ceci. Qui a créé toutes ces armes qui sont utilisées pour tuer les autres? Qui a créé toutes ces armes nucléaires qui sont utilisées pour créer, pour semer le chaos ici et là? Est-ce Dieu ou l'homme? Alors, voici ta réponse, mon ami. Dieu existe. Mais l'homme, à cause de sa soif d'orgueil, a renié Dieu. L'homme, à cause de sa soif d'argent, a renié Dieu. L'homme, à cause de sa soif de pouvoir, a renié Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il continue à nous interpeller, qu'il continue à nous prévenir. Et nous voyons le monde, que le monde va mal. Et Jésus revient, c'est la réalité. C'est le temps de se repentir. La masturbation ne sauve pas, la pornographie ne sauve pas, la publicité ne sauve pas, les rats, les stars de ce monde ne sauvent pas. Mon ami, la cigarette ne te guérira pas. Au contraire, ça t'apportera que des maladies, des cancers. Mon ami, l'alcool ne t'apportera rien de bon, si ce n'est que le cirrhose de foie. Mais la seule personne qui guérit, c'est Jésus. La seule personne qui restaure, c'est Jésus. Car il a guéri mon cœur, il a restauré mon cœur. Et c'est pas, je me permets encore de vous parler de ce Jésus-là. Car il est le seul qui sauve. Vous pouvez rigoler, on peut me traiter de vous, c'est pas grave, je l'accepte. Mais s'il vous plaît, ne minimisez pas ce que je dis. Si vous voulez savoir si Dieu existe, rentrez chez vous, fléchissez les genoux, prenez-vous sur le sol, élevez la voix vers le ciel. Dites-lui, on a entendu un jeune homme dans le métro nous dire que Dieu existe. Moi, je veux savoir si Dieu existe. Mon oreille produit en temps, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui m'éloignent de vous. Ce sont vos péchés qui séparent l'homme de Dieu. C'est l'orgueil de l'homme qui sépare l'homme de Dieu. C'est la méchanceté de l'homme qui sépare l'homme de Dieu. Mais Dieu nous aime. Jésus revient bientôt et c'est la réalité. Si je me permets de parler, c'est parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai goûté à cet amour de Dieu. J'ai goûté à cette paix que Dieu donne. Oh mon ami, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai le repos. Le repos que le monde ne peut donner. Le repos que l'argent ne peut donner. L'argent, mon ami, ne fait pas le bonheur. L'argent après lequel tu cours ne peut pas te sauver. Ne peut pas te préserver de la mort. Ne peut pas te préserver du cancer. Ne peut pas te préserver du sida. Mais seul Dieu peut te garder. Seul Dieu peut te guérir. Jésus-Christ revient et c'est la réalité. Jésus-Christ revient et c'est la réalité. Il est temps de se repentir. Il est temps d'abandonner le péché. Car le péché est la chose qui détruit l'homme. Le péché égare l'homme. Le péché tue l'homme. Mais la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie en Jésus. Car Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé, mais je vous en prie, souvenez-vous de ces paroles, car Dieu vous les rappellera. Mais j'espère pour nous, j'espère pour vous qu'il ne sera pas trop tard. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.